Il était une fois un homme qui n'avait seulement qu'une jambe. C'était peu pratique pour s'envoyer en l'air, car chaque fois que sa femme venait lui demander si ça lui tendait une partie de jambe en l'air, le pauvre homme pensait à son unique jambe et allait pleurer en secret. Puis un beau jour, il rencontra Docteur Maillot, qui avait lui aussi une seule jambe. L'homme à la jambe lui confia ses enfants, et Docteur Maillot le réconforta. C'était probablement à cause de ses talents, qui quelque part durant son enfant n'avait pas été assez tendre. Oh tendresse, oh tendresse, oh tendresse, oh tendresse, oh tendresse. Grâce à lui, si l'homme à la seule jambe a pu retrouver le goût de vivre, seulement à cause de lui, Docteur Maillot. Merci.